Jazz Time, présenté par Gérard. Cinquante années, un demi-siècle nous séparent de mai 68. Évoquer mai 68, ce n'est pas sans risque de nostalgie, d'une forme de romantisme vis-à-vis d'une période que la France a vécue et que l'on pourrait ranimer avec une certaine complaisance. Mai 68 s'inscrit dans un vaste mouvement qui s'est développé pendant les 60s, tant en Europe qu'aux États-Unis, mais avec des motivations différentes. En avril 68, Martin Luther King et en juin 68, Robert Kennedy sont assassinés. Le printemps de Prague est écrasé par les chars russes. En France, en mai, c'est la révolution à Paris en province. La grève s'installe dans les universités, dans les usines. Et à l'Élysée, on pense que De Gaulle n'en a plus pour longtemps. Des images et une bande-son vont illustrer tous ces événements. Pour connaître aujourd'hui ce qu'était la situation en France, et en particulier à Paris en mai 68, on peut parcourir des publications, des numéros spéciaux, des sélections d'articles de presse écrite, des enregistrements radio, des documents repris à chaque passage de décennie. Quant à la place de la musique pendant ce qu'on a appelé les événements, assez peu de traces d'archives, d'actions en milieu culturel, même si figure en bonne place l'occupation du théâtre de l'Odéon avec le désaveu opposé à Jean-Louis Barrault, et au-delà de quelques chroniques, ce sont des témoignages directs ou rapportés d'acteurs musiciens qui tentent de mettre en accord les idées et les slogans de mai 68 dans leurs pratiques créatrices. Que se passe-t-il du côté du jazz en mai 68 ? Pendant quelque temps, les musiciens seront convaincus que c'était le moment pour l'imagination de prendre le pouvoir et de prendre ses désirs pour des réalités. Pour ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, mai 68, que l'on a décrit comme une situation révolutionnaire sans révolution, l'année 68 sera une année de transition. Il y aura un avant et un après mai 68. En 68, le free jazz se fait une place. Le jazz et le rock font en quelque sorte alliance et on constate que le jazz, outre-Atlantique et bientôt en Europe, ne fera plus recette comme avant. En France, en 68, l'Académie du jazz décerne son prix Django Reinhardt au clarinettiste Michel Portal, qui, nanti d'un solide bagage classique, est déjà impliqué dans le free jazz, qui, selon lui, est le fruit d'une création spontanée. Paris, le jazz vivra difficilement pendant les événements de mai 68, car la plupart des clubs sont fermés, ils sont situés dans des quartiers où se déroulent les manifestations. C'en est terminé pour les lieux qui, chaque soir, abritent des amateurs venus écouter des formations, parfois constitués de solistes accompagnés par l'orchestre maison, comme au Trois-Maillets avec Guy Lafitte ou au Club Saint-Germain, où officie le pianiste Georges Arvenitas et son trio attitré à ce lieu mythique. À Paris, le caveau de la Huchette, qui est un haut lieu du jazz traditionnel, eh bien, le caveau restera fermé pendant plusieurs semaines et le cornettiste Jean-Pierre Morel, qui dirigeait son orchestre, le révérend Sharkey's Congregations, il regrettera encore cette interruption des concerts tout en regardant les événements d'un œil étonné, plutôt perplexe, ne sachant pas trop en quoi en penser. Quant au pianiste René Hurtreger, lorsqu'il évoque dans son livre « Le roi René » ses souvenirs de mai 68, il se souvient être allé jouer du piano dans un amphi de la Sorbonne, mais cela lui paraissait, dit-il, bidon. René Hurtreger, professionnellement, accompagnait aussi le chanteur Claude François dans des galas qui durent être annulés malgré tout. René Hurtreger trouve que mai 68 a apporté un grand souffle de liberté. Thank you. Il faut se rappeler que la plupart des jazzmen qui émergent au cours des années 60-70 sont tous ou presque trentenaires. C'est le cas de Jean-Louis Chotant et François Janot, saxophonistes, Henri Texier, contrebasse, Jean-Luc Ponty, violon, Daniel Humer, batterie, Michel Portal, clarinette. Ils participeront à différentes formations, dont celle du pianiste et compositeur Jeff Gilson, qui écrit pour Big Band aussi pour Petite Formation, et qui, bien que plus âgé qu'eux, était prêt, avant 68, à laisser la langue du free jazz entrer dans son travail, et ce, à la satisfaction des jeunes partenaires. Si le saxophoniste François Janot participe à l'orchestre de Jeff Gilson, il travaille tout comme René Treger dans l'orchestre de Claude François et il se souvient que par solidarité avec les mouvements étudiants et ouvriers, il a dû annoncer aux chanteurs que les musiciens se mettaient en grève illimitée. François Janot a participé à des piquets de grève au Conservatoire de Paris et c'était bien la première fois qu'il mettait les pieds dans un conservatoire. Mais 68 a inspiré à Janot une composition qu'il interprète avec l'Orchestre National de Jazz qui dirigera en 1986 un titre évocateur « Jazz lacrymogène ». Alors qu'il sortait d'une école de journalisme, et bien que placé sous les drapeaux, le contrebassiste Didier Levallet a gardé des souvenirs musicaux liés à mai 68. Il avait acheté un disque d'Archie Shepp, Mama Tonight, un autre de Coltrane, Expression, et du free jazz du français François Tusk. Et puis Didier Levallet se perfectionnait en suivant les cours de contrebasse prodigués par Jean-François Gignet-Clark. À Paris, Didier Levallet eut l'occasion à cette époque de jouer dans des clubs avec le trompettiste Bernard Vité, le batteur Jacques Tolot, le saxophoniste Barney Whelan. Et parfois il assurait le remplacement de Jean-François Gignet-Clark à la contrebasse, et le batteur Aldo Romano se plaignit alors demandant « Mais quand est-ce qu'il revient, Jean-François ?» En mai 68, Didier Levallet a joué dans l'amphi de la fac de droit avec entre autres le pianiste Michel Graillet. Didier Levallet résume son mai 68 en ces termes « Je n'ai pas lancé de pavé, mais j'ai assisté à des débats à l'Odéon » et il ajoute « Le free jazz me titillait ». On remarquera que si bien des clubs étaient fermés à Paris et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'enregistrements réalisés à ce moment-là, de nombreux concerts de jazz auront lieu dans des salles emblématiques comme Pleyel, l'Alhambra aujourd'hui disparu, l'Olympia, le Théâtre des Champs-Élysées, avec des enregistrements à la clé cette fois. D'ailleurs, pendant le mois de mai, c'était tout au début, le 7 mai à 21h, le trio d'Errol Garner était à l'affiche de la salle Playel. Par contre, il faudra attendre quelques semaines et le retour au calme pour aller écouter Ray Charles, Count Basie, des bluesmen comme T-Bone Walker. Quant à Dizzy Gillespie, c'est en novembre 68 seulement qu'il reviendra avec son orchestre salle Playel pour un concert en souvenir de celui très célèbre qu'il avait donné en 1948 dans cette même salle. Et Dizzy reprendra en 68 un thème qu'il avait joué en 48 et que voici. C'est en mars 1968 que le saxophoniste américain Phil Woods décide de quitter les États-Unis pour échapper à la violence, mais il arrive à Paris en pleine révolte. C'est pourtant à Paris qu'il va s'installer pour poursuivre sa vie de musicien de jazz. Dès le 6 mai 68, les amateurs de jazz, qui ne sont pas impressionnés par les barricades et les manifestations, vont pouvoir se rendre salle Gémier, une annexe du Palais de Chaillot, pour assister au premier concert parisien de Phil Woods à la tête de son European Rhythm Machine, formé quelques jours plus tôt avec George Grunz au piano, Daniel Humer batterie et Henri Texier contrebasse. C'est d'ailleurs Daniel Humer qui a choisi d'intégrer Henri Texier au groupe car il venait d'être libéré de l'armée et commençait à être connu comme contrebassiste parisien. L'European Rhythm Machine de Phil Woods jouera au club parisien Le Caméléon situé rue Saint-André-des-Arts, mais lorsque les événements de mai se déclenchent, il va falloir fermer le club car les gaz lacrymogènes entrent dans la salle. Pourtant, en juin 68, l'orchestre de Phil Woods reprend ses concerts et de 68 à 73, le personnel du groupe évoluera, exit George Grunz, remplacé par le britannique Gordon Beck au piano et Ron Manterson succédera Henri Texier. Le European Rhythm Machine connaîtra le succès, sera classé numéro 1 par la revue Downbeat devant le groupe des frères Adderley. Voici un enregistrement studio de cet orchestre en novembre 68. We'll be right back. Si Phil Woods avait quitté les États-Unis en début 68 et se trouvait à Paris au mois de mai, de son côté, le pianiste Joachim Kühn, lui, avait choisi la liberté en fuyant l'Allemagne de l'Est pour arriver à Paris en 68. Rapidement, il va trouver à jouer en club au Chat qui pêche, situé rue de la Huchette, et qui fermera en 1969. Joachim Kühn jouera avec le cornettiste Don Cherry, le batteur Aldo Romano, Jean-François Giné-Clark à la contrebasse. Bien qu'ayant assisté à des batailles de rue entre étudiants et policiers, Joachim Kühn n'y a pas participé, soucieux, disait-il, de protéger ses doigts de pianiste. Il sera partie prenante dans des groupes de free jazz. Quant aux événements de mai 68 proprement dit, il a constaté que quelques temps après la révolte, l'establishment avait repris la main. Cependant, pour lui, la France reste le seul pays au monde où un artiste a la possibilité d'exprimer son art de la façon la plus libre. We'll be right back. Lorsqu'elle décide de poursuivre ses études musicales, l'organiste américaine Rhoda Scott choisit de venir à Paris. Mais après quelques temps, elle doit retourner aux États-Unis. Et puis, un jour, Eddie Barclay, de passage aux États-Unis, l'entend et l'encourage à revenir à nouveau à Paris. Mais à son arrivée, on est en mai 68 et Paris est méconnaissable. Rhoda Scott devra attendre le mois de juillet pour pouvoir se produire dans un club dont d'ailleurs elle épousera plus tard le propriétaire. Et à Paris, Rhoda Scott enregistrera de nombreux albums, elle poursuivra sa carrière et aujourd'hui, elle anime encore son Lady Quartet. La vie des clubs à Paris en 68 était très animée, avec de nombreux lieux dont la plupart ont disparu. En mai 68, le violoniste Jean-Luc Ponty se produisait dans un club du quartier latin, là où les événements ont éclaté, et le club lui aussi a dû être fermé. Ponty avait alors 25 ans. Il risquait de se retrouver au chômage s'il n'avait pas l'opportunité de trouver en Allemagne les possibilités d'une tournée. En mai 68, le syndicat des musiciens se mobilisait contre l'engagement de musiciens étrangers, principalement des Américains, et il imposait que les premières parties de concert soient assurées par des Français. Pour Jean-Luc Ponty, la solution ce sera de partir aux États-Unis avec un succès inespéré, en quelque sorte la réalisation du rêve américain. Retour sur le passage en club du trio de Jean-Luc Ponty avec Eddie Lewis à l'orgue et Daniel Humer à la batterie. Thank you. Pour le trompettiste italien Enrico Rava, qui a voulu, comme Jean-Luc Ponty, lui aussi partir aux États-Unis, à New York, la problématique était différente de celle en vigueur en Europe. Et mai 68 est une grande occasion perdue pour Enrico Rava. Il est vrai qu'aux États-Unis, les musiciens, eux, étaient surtout engagés contre la guerre du Vietnam et dans la contre-culture, mais peu informés et attentifs à ce qui se passait en Europe, même s'il y avait une sorte de cause commune à défendre. Le batteur français Aldo Romano sera, lui, le compagnon de route de plusieurs jazzmen qui, en France, participaient à l'épanouissement du free jazz. Le trompettiste bien invité, François Tusk, Donny Glasgow, Barry Whelan, engagé lui aussi, mais dès 1966. Et puis le cornettiste Don Cherry, en compagnie du saxophoniste Gatto Barbieri, et aussi, à nouveau, de Jean-François-Joachim Kuhn. Sur les événements de mai 68, Aldo Romano concède qu'il ne les a pas vécus dans l'exaltation. Il se trouvait déjà révolutionnaire dans la musique qu'il pratiquait, et il ajoute « Je n'ai adhéré au mouvement que quand les usines se sont mises en grève ». Et puis en 68, Aldo Romano participe à la version française de The Connection, une pièce du Living Theatre jouée par Archie Shepp et Jackie MacLean. Aldo Romano, comme d'autres musiciens de jazz, ne font guère d'illusions sur l'avenir. Il se trouve des points communs avec les Noirs américains luttant pour les droits civiques dans une situation sociale et politique tout à fait particulière. Don Cherry, animateur de groupe franco-américain, eh bien le voici, Don Cherry. Thank you. bouillonnement parisien, que se passe-t-il en mai 68 à Nancy, ville universitaire? Si l'on consulte l'ouvrage « Le roman vrai du jazz en Lorraine » de Xavier Brocker, on apprend qu'en mai 68, quelques 6000 étudiants appartenant essentiellement à la fac de lettres, à l'école des beaux-arts et dans une moindre mesure à la fac des sciences et à l'école des mines, sans oublier les classes terminales des lycées, vont battre le pavé des rues de la ville et engager l'occupation permanente et illimitée des facs et de la vénérable salle Poirel. Côté musique, Xavier Brocker regarde l'organisation de concerts par des formations de musiciens amateurs. L'une, les Jazz Sands et de style bebop. L'autre, les New Orleans Preachers, gardiens de jazz traditionnel. Néanmoins, 4 ou 5 concerts seront organisés à la Fac des Lettres. Et je cite Xavier Brocker, « Les anards prodiguèrent une musique absolument inouïe et rigoureusement révolutionnaire. » Ainsi, la parenthèse de mai 68 va se refermer. Pourtant, une structure culturelle existante va devenir la base. Nous serons lancés des actions pour la promotion du jazz en Lorraine avec ouverture de lieux d'animation éphémères et bientôt naîtra le festival NJP en 1973 et c'est lors de la première édition que le big band du trompettiste Yvan Julien créa avec son orchestre le Stanislas Percussive Gavotte. La réalisation technique de ce numéro spécial de Jazz Time dédié à mai 68 et le jazz dans tout ça était assurée par Quentin. Un grand merci pour sa collaboration. Je vous retrouve, quant à moi, dans une semaine pour évoquer le festival de Marly, le Marly Jazz Festival, avec son créateur qui sera avec nous dans les studios. À bientôt. Au revoir.